De retour à Doc Babylon 69.3 FM pour la conclusion. On a parlé beaucoup aujourd'hui, c'était cool, sur ma dernière émission. Mais faut pas oublier les piliers, les partenaires, les gens qui font que le hip-hop marche, des gens qui sont très, très, très respectables, des gens que ce serait un petit peu trop long à nommer, mais que ce soit KRS-One, que ce soit Rakim, que ce soit le 501 PO, Double SE, que ce soit Jimmy J, que ce soit Shortcut, que ce soit DJ Rock, que ce soit Choice, que ce soit Storm, que ce soit Shadow Culture, peu importe le groupe, peu importe la provenance, Noisemaker, que ce soit Flavor Flav, Public Enemy, Chuck D, Queen Latifah, New York, East Coast, son. Peu importe, represent who you be, and who I be is who I am, son. Il y a plein de groupes, il y a des gens comme The D-Man, il y a beaucoup de monde, The Boogeyman, il y a beaucoup de monde, Africa Bambaataa, Zulu Nation, Walter, Evanson, il y a tellement de gens nommés, ça serait un petit peu trop long, mais il faut juste pas les oublier. Et puis, un petit mot de la part de Casey Adamino, puis big up à tous les gens qui travaillent tous les jours pour faire le hip-hop, une vraie musique, quelque chose qu'on porte dans notre cœur. Eh bien, peace, puis je vous laisse avec une dernière pensée, un dernier mot que j'écris pendant que j'étais à l'aéroport, en partant, quoi, parce que c'est enfin la fin de mon album, et puis j'étais des gros beats, des textes OK, rien de cave ou prétentieux, juste des affaires chill, quoi. J'ai hâte de partir, par exemple, aller en parlant de chill, aller chill sur mon bateau au bord de Trinidad, puis commencer mon autre album en anglais, ou un autre album en français, je sais pas. Mais en passant, j'aimerais dire merci mille fois aux gens qui m'ont supporté. Merci 999 fois au monde qui m'ont dis, ce qui veut dire pas supporté. Pour moi, c'est tous du pareil au même, parce que c'est pas ce qui m'arrive qui compte, c'est comment je le prends. Que je sois en prison, libre, pauvre ou riche, seul ou en public, nomade ou sédentaire, malade ou en santé, je m'en fous, je suis heureux. J'aime mon peuple même. Puis moi, ben, quoi que ce soit qui arrive, je suis optimiste, jamais pessimiste. Peace à mon peuple, stand up for your right, peace to Bob Marley. Puis bonne chance dans tout ce que vous décidez d'entreprendre. Je vous laisse là-dessus et puis bonne fin de soirée. Allez, au revoir. Walk the walk. Don't talk the talk if you can't walk the walk. Don't talk the talk if you can't walk the walk.